OF19, activité 45. Comparez le découpage syllabique en anglais et en français et observez que la syllabe française est généralement ouverte. Écoutez et répétez les mots en français. 1. Budget. Budget. 2. Finance. Finance. 3. Competition. Compétition. 4. Institution. Institution. 5. Government. Gouvernement. 6. Architecture. Architecture. 7. Integration. Intégration. 8. Administration. Administration. 9. Environment. Environnement. 10. Telephone. Téléphone. Téléphone.